Troisième partie. Pas de robe. Mets donc ta robe rouge pour aller au théâtre. Je suis devenue trop grosse. Je ne peux plus mettre cette robe-là. Alors, pourquoi ne pas mettre ta robe mauve? La mauve ne me va pas non plus. Mais tu l'as achetée il y a un mois seulement. Et tu l'as mise deux ou trois fois, pas plus. Oui, je sais. Mais elle ne me plaît plus. Alors, mets ta robe bleue. Celle-là me va mieux. Mais elle fait trop vieux. Alors la verte? Elle fait trop jeune. C'est bien simple. Alors reste à la maison.